en même temps. Spike is a bitch. Tu veux un gros fer, passe ton permis en même temps. Prépare-toi à faire harceler par la PAC en même temps. Tu tends la main au frère et il t'arrache le bras en même temps. Car ton gamo s'en bat, on va te le rayer en même temps. Femme peut être belle et très vicieuse en même temps. Elle peut te dire je t'aime, baiser avec d'autres en même temps. Nous on veut le beurre et l'argent du beurre en même temps. Avoir une femme halal, mais qu'est-ce qu'on aime les chiennes en même temps. La drogue c'est haram, ça nourrit le quartier en même temps. Les mecs roulent en PM, touchent le RMI en même temps. Où on vit, c'est sale, mais rien qu'on dégrade en même temps. On pédale dans le hall et nos darons passent en même temps. Dehors on parle de cul, les petites sœurs passent en même temps. On parle de braco, nos petits frères écoutent en même temps. On veut les protéger, on les met en danger en même temps. Au final on fait rien car on veut tout faire en même temps. Bah ouais gros, fais ce que t'as à faire gros. Faut sortir de la haine gros, faire ce putain d'oseille gros. Ton quartier c'est la même gros. Bientôt on se casse au soleil, nique sa mère gros. On s'en tourne dans la tête, on tourne dans la caisse. Trop lourd, on pousse des haltères en même temps. Wesh poto, tu veux de la pure, viens ce qu'elle est dit. Je te mets bien en même temps. Ça sert à quoi de prendre des thunes si tu claques tout en même temps. C'est comme vendre des barrettes, fumer le bénéf en même temps. Si t'es dans l'illicite, grimpe à la tôle en même temps. Larme aux yeux au parlu, car ta mère pleure en même temps. Tu dis que t'as pas de thune, cherche un taf en même temps. Pendant que tu fous rien, nous on charbonne en même temps. Je croyais que t'étais un gars sûr, qu'on était dans le même camp. Ne dis pas la famille, en crachant dans mon dos en même temps. Tu peux pas être dans le rap, être un youvois en même temps. Comme les joueurs du PSG qui fument du shit en même temps. J'ai réalisé mon fantasme, j'ai pris une brune et une blonde. Je les ai baisés en même temps. J'ai des potes qui ont pris du ferme de leur cellule, ils gèrent le business en même temps. Ils contrôlent le terrain en même temps. Même pendant le ramadan, ça vend du pilon en même temps. La France nous a mis bien, elle nous a bousillés en même temps. Bah ouais gros, fais ce que t'as à faire gros. Faut sortir de la haine gros, faire ce putain d'oseille gros. Mon quartier, ton quartier, c'est la même gros. Bientôt on se casse au soleil, nique sa mère gros. On s'en tourne dans la tête, on tourne dans la caisse. Trop lourd, on pousse des haltères en même temps. Wesh poto, tu veux de la pure, viens ce qu'elle est dit. Les States envoient de la nourriture en Afrique, vend des armes en même temps. Les curés disent la messe, gueulent des gosses en même temps. Tous les hommes politiques sont des escrocs en même temps. On peut pas être président, 7 heures en même temps. Sur les champs les meufs sont bonnes, on coûte cher en même temps. Elles te font perdre ton temps, tes thunes en même temps. Tu me serres la main, garde-moi dans les yeux en même temps. Je fais kiffer les rappeurs, j'emmène correction en même temps. Kennedy 9-4, bon cuit en même temps. J'suis un homme et une machine en même temps. Pareil que le rap est mort, tu lui as pété une dent en même temps. J'fais des classiques, c'est magique en même temps. Bah ouais gros, fais ce que t'as à faire gros. Faut sortir de la haine gros, faire ce putain d'oseille gros. Mon quartier, ton quartier, c'est la même gros. Bientôt on se casse au soleil, nique sa mère gros. On s'en tourne dans la tête, on tourne dans la caisse. Trop lourd, on pousse des haltères en même temps. Wesh poto, tu veux de la pure, viens ce qu'elle est dit. Je te mets bien en même temps. Bah ouais gros, fais ce que t'as à faire gros. Faut sortir de la haine gros, faire ce putain d'oseille gros. Mon quartier, ton quartier, c'est la même gros. Bientôt on se casse au soleil, nique sa mère gros. On s'en tourne dans la tête, on tourne dans la caisse. Trop lourd, on pousse des haltères en même temps. Wesh poto, tu veux de la pure, viens ce qu'elle est dit. Je te mets bien en même temps.